Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, mon métier, c'est avocat, dans le secret du cabinet Seban à Paris. Une série de Michel Pomarède, réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a une autre série qui déroulait le fil de la disparition d'Estelle Mouzin et qui a permis de tisser des liens de confiance entre un documentariste et les personnages qu'il a enregistrés. Il y a un procès qui s'ouvre et de l'admiration pour l'intelligence en marche et la sympathie immédiate que l'on éprouve pour ceux qui se mettent au service des victimes et décident de les représenter. Et bien entendu, ces images tirées de films et de séries dont on s'est gavé le dimanche soir avec effet de manche, robe noire, robe rouge et cette fascination qu'on a toujours pour ceux qui ont ce pouvoir de persuader l'autre et de le faire plier avec des mots. Mais peut-être aussi voir comment se tissent les liens entre les avocats et ceux qu'ils défendent. Alors pour commencer, les personnages. Une victime des attentats de Saint-Denis, une avocate qui a choisi son camp, le souvenir de Manuel Diaz, un président de la République, des clients, une avocate qui voulait être médecin et une autre qui voulait rester juriste. Ensuite, le décor. Un matin froid, un serment, des dossiers, une réunion hebdomadaire, un immeuble pulvérisé, des brûlures et des impacts, un peu d'humour, des discours officiels, une plaque commémorative, un stage décisif et un sandwich au foie gras. Aujourd'hui, troisième épisode, on suit le guide et on se glisse dans la pièce. Camille Rigal, où est-ce qu'on est ? Eh bien, on est dans la salle de réunion du cabinet, où on a chaque semaine un agenda hebdomadaire qui permet d'apprendre quels sont les nouveaux dossiers ouverts, les appels d'offres emportés, et puis l'actualité de la semaine pour chacun des avocats. Vous, le lundi, donc à 9h30, à cette réunion d'agenda, vous vous asseyez où dans cette salle ? Toujours à côté de la porte. Donc vous êtes là, voilà. À côté de la porte. Mon métier, c'est avocat. Michel Pomarède, Jean-Philippe Navarre. Aux côtés des victimes des attentats de Saint-Denis. Vous êtes au cabinet Seban depuis 2 ans ? Oui, pas tout à fait, bientôt, ouais. Bientôt 2 ans. Est-ce que vous vous rappelez votre première réunion d'agenda ? Oui. Alors, pour moi, l'agenda, c'est toujours impressionnant parce qu'on est nombreux, très nombreux, dans une salle petite, les uns sur les autres. Et puis, c'est un moment toujours impressionnant où on se retrouve. Donc voilà, j'étais dans mon petit coin, j'attendais. Didier a annoncé mon recrutement. J'aime pas trop ce moment où tous les regards convergent vers moi. Donc voilà, c'est un moment que que j'ai pas forcément apprécié. Parce que vous avez été diplômée avocate en 2014 et vous intégrez le cabinet Seban en 2015. Racontez-moi le stage et racontez-moi pourquoi vous avez choisi de revenir ici. Alors, moi j'ai fait mon stage en 2011-2012. Corinne était à la recherche d'un stagiaire. Corinne, c'est Corinne Hermann. Corinne Hermann, tout à fait. Et ce sont des journalistes qui ont vu qu'elle avait besoin de stagiaires, des journalistes qui faisaient un documentaire sur elle, qui ont passé une annonce, c'est assez fou, par l'Association de la presse judiciaire, que j'ai eue au fin fond de ma campagne à Clermont-Ferrand, par le biais d'une amie. J'ai postulé, j'ai rencontré Corinne, je pense qu'un feeling est passé. Puis je suis arrivée 4 jours après en stage, en septembre. Je suis restée 7 mois, parce que je me posais des questions sur le fait d'être avocat. Donc je me suis... j'ai eu envie d'être avocat, et j'ai eu envie d'être avocat comme Corinne. Donc je suis rentrée, j'ai passé mon diplôme, enfin mon examen d'entrée à l'école du barreau, j'ai fait mon école. Et Corinne, on est toujours restée en contact, et quand elle a pu obtenir de Didier un recrutement pour les dossiers, elle m'a appelée, et je suis arrivée. Être avocate comme Corinne, ça veut dire quoi ? J'avais pas d'expérience pratique du métier. J'avais qu'une vision lointaine et théorique et je me posais vraiment la question de savoir si c'était fait pour moi, quel combat j'avais envie de mener, quelle sorte d'avocat j'avais envie d'être. Je savais ce que faisait Corinne, j'étais intéressée par le criminel, mais auprès de Corinne, j'ai découvert ce que c'était que se battre pour les victimes. C'est une autre manière de travailler où on choisit son camp à 100% et on s'investit pour une cause en fait. Donc après, j'ai commencé à travailler quand même avant d'arriver ici et j'ai travaillé dans des cabinets pour des combats qui n'étaient pas les miens, où j'ai l'impression un peu de me perdre et de me trahir. Donc voilà, le fait de revenir au sein du cabinet fait que je sais pourquoi je me lève le matin et ça a du sens. Mais vous dites que à travailler avec elle et être aujourd'hui à ses côtés dans le cabinet Seban, vous avez trouvé une cause qui vous parle. Et pourquoi ça a un écho en vous ? Je pense que moi, j'ai toujours été heurtée par le sentiment d'injustice, quel qu'il soit. Ça, c'est toujours quelque chose qui est venu me chercher. C'est pour ça que le droit me semblait être une réponse adaptée. Je me dis, moi, je vais faire du droit, comme ça, justice sera faite et je pourrai... C'est pas si simple. Et du coup, j'aime l'idée d'être dans un cabinet, dans un pôle qui a fait des choix politiques, des choix moraux et des choix de... éthique, en fait. J'aime l'idée de me dire que ben moi, je veux ma petite pierre à l'édifice et qu'on m'a recrutée pour un combat qui a du sens, en fait. Tout ce qu'on fait, ça a du sens. Même si ça prend du temps, même si ça coûte de l'argent, ben on arrive à des résultats et moi, je suis fière de contribuer à ça. Voilà. Parce que ici, dans cette salle, à la réunion d'agenda, on entend des noms de mairie et des problèmes de mairie. Tout à fait. Ouais. Qui ne sont pas les vôtres. Non, qui ne sont pas les miens. Et clairement, mes connaissances en droit public sont plus que limitées. Je ne comprends pas nécessairement les combats de mes confrères, les enjeux. Mais déjà, il y a du respect, parce que je ne connais pas, mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas intéressant, que ça n'a pas du sens. Et puis moi, je n'oublie jamais que si je suis là, c'est grâce à eux, en fait. C'est parce que le cabinet a une énorme activité, que le cabinet travaille pour les collectivités publiques, que le cabinet a les moyens de nous permettre, à Corinne et puis maintenant à moi, de faire ce qu'on fait. Voilà. Donc on va quitter la salle de réunion, puis on va aller vers votre bureau. Si on revient à votre choix d'être avocate, donc de défendre une cause, on a compris la cause des victimes. Corinne Hermann s'occupe beaucoup de disparitions. Donc le choix de votre carrière qui débute, c'est de défendre des victimes. C'est pas de se retrouver à défendre des criminels. Alors je devrais, et il faudrait, pour être meilleure dans ce que je fais, que je fasse plus de vrais pénal en fait. Et j'ai commencé des formations pour, je dois faire de la défense d'urgence, il faut que je le fasse. Mais c'est pas une envie profonde. Faudrait que je le fasse et je vais le faire, mais j'ai pas forcément envie de le faire. Et puis je me dis que c'est pas grave de choisir son camp en fait. Au final, voilà, je serai une avocate qui défend que les victimes. Et ça me va très bien en fait. Parce que je n'ai pas l'impression de forcer ma nature et de dire des choses que j'ai pas envie de dire. Parce que je pense que quand on croit à ce qu'on dit... Alors, c'est la grande question du métier d'avocat et notamment d'avocat pénaliste, mais moi je me force pas à porter la parole des familles devant les civils. J'adhère à ce que je dis, donc je pense que mon message il est plus fort. Vous vous rappelez la première plaidoirie, votre première plaidoirie ? Qu'est-ce que j'ai plaidé la première fois qui m'a stressée pour le cabinet ? Je crois que ça devait être des civils. Les civis, c'est les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions. C'est une procédure parallèle qu'on mène aux instructions ou bien à l'issue d'un procès d'assises pour que les familles soient indemnisées. Et souvent, on s'est aperçu que les familles n'avaient pas été indemnisées à l'époque des faits. Donc on se retrouve avec des indemnisations tardives, 20, 30 ans après. Soit on a un criminel, c'est bien, soit on n'a personne, mais il faut quand même indemniser la famille. Et c'est paradoxal parce que c'est des toutes petites salles, des toutes petites audiences. On peut même plaider assis. Donc il n'y a pas ce cérémonial de salle d'audience plus impressionnante. Mais ouais, ça m'a émue. Je crois que c'était pour des familles dont les enfants aient disparu. J'ai plaidé le jour même pour deux familles d'enfants disparus. Donc au final, presque 20 personnes. Et voilà, c'était émouvant. Vous avez dû chiffrer la douleur. Alors, je ne l'ai pas fait au moment de la plaidoirie, hein. C'était le résultat d'échanges de conclusions plus ou moins assez développés, parce qu'en face de nous, on a le fonds de garantie qui, lui, fait une page, là où nous, on en fait 18. Donc, Corinne avait suffisamment détaillé et argumenté pour dire que nos demandes étaient en rien surchiffrées, elles étaient tout à fait justes. Mais c'est jamais assez juste, en fait, parce qu'à combien est-ce qu'on estime la douleur d'une famille, d'une fratrie, d'avoir perdu un des leurs ? 15 000, 20 000, 25 000. C'est une question d'appréciation. C'est personnel, en même temps, c'est ça la jurisprudence. Nous, ce qu'il faut qu'on démontre, c'est la réalité de la souffrance, du préjudice moral, du préjudice d'affection des familles. Et ça, des fois, même ça, c'est nié parfois. en fait. C'est ça le plus dur. C'est quand vous avez le fonds de garantie qui vous dit « Vous ne prouvez pas que ses cousines aimaient suffisamment leurs cousines et qu'elles avaient une relation assez proche. » Et nous, notre travail, c'est de dire, 30 ans après, si, en fait, elles étaient proches, mais comme c'était en 85, eh ben, il n'y avait pas de photo pour le démontrer, il n'y avait pas... C'est la matérialité de la preuve aussi, 30 ans après. Comment est-ce qu'on démontre un lien d'affection particulier entre des cousines en 85? Ben, faute de pouvoir le démontrer, ben, il n'y a pas de lien, donc du coup, il n'y a pas d'indemnisation. C'est le raisonnement du fonds de garantie, ça. Pour convaincre, il faut être convaincu. Ouais, je pense. Honnêtement, c'est quelque chose que je pense. Mais de manière générale, hein, ça dépasse le cadre du travail. Ouais. Faut croire à ce qu'on dit, faut croire à ce qu'on fait. Il faut croire au fait de pouvoir faire changer l'autre d'avis et le convaincre du bien fondé de ce qu'on pense. Ouais, je pense. Vous êtes passionnée ? Ouais, je pense qu'on peut le dire. Je pense que Corinne et Didier m'ont transmis le virus et l'envie d'eux, parce que c'est tellement satisfaisant. Après, on fait pas ça uniquement pour être satisfaite personnellement, mais je suis tellement contente quand j'ai des clients qui nous disent merci, qu'on a une avancée dans un dossier, que ouais, c'est gratifiant. Et rien que pour ça, bah voilà, ça justifie des heures de travail, ça justifie plein de choses. Un petit flashback, qu'est-ce qui vous est arrivé pour que vous preniez contact avec Camille? J'étais victime des attentats du 13 novembre au Stade de France. En fait, ils parlaient beaucoup plus du Bataclan. Et en fait, Saint-Denis, les victimes du Stade de France ont été oubliées. Il y a eu 3 explosions quand même qui ont fait qu'il y a eu un mort déjà, Monsieur Manuel Diaz. Et faut pas oublier, faut l'oublier quoi. Vous, qu'est-ce qui vous est arrivé personnellement? Moi, en fait, j'avais tendu un café à Monsieur Manuel Diaz. Et du coup, au moment où j'ai tendu le café, ça a explosé. Donc pour moi, c'était soit une bonbonne de gaz ou un pétard. Et du coup, je savais pas que c'était un kamikaze qui s'était vraiment explosé en face de moi, quoi. Vous avez été blessée dans votre chair? Ah, j'étais blessée de la tête aux pieds. J'ai 20 points de suture au front. J'ai une grosse blessure au niveau de la jambe. Et plusieurs impacts, comme des brûlures de cigarettes, au niveau du corps. Quand je me lève tous les matins avec une cicatrice sur le front, je peux vous dire que ça fait très très mal. J'y pense tous les jours. Parce que je peux plus me mettre en maillot de bain aussi. J'ai plus la même jambe, j'ai plusieurs impacts. Et c'est pas facile. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Ça va faire 2 ans là. J'ai eu aucune expertise. Vous trouvez ça normal? Moi non. Personnellement non. Normalement je devrais avoir une expertise, voir parce que je suis pas consolidée. Mais j'ai aucune expertise. Que ça soit pour le fonds de garantie, que ça soit même pour la sécurité sociale, je pense qu'il y en a une aussi, non? Donc, en gros, Sarah, ce que vous dites, c'est que l'urgence, les infirmiers, les pompiers sont occupés de vous, mais au bout de combien de temps on vous a relâché, on pourrait dire, dans la nature toute seule? Mais je suis sortie d'hôpital à 6h du matin. Ils n'avaient même pas détecté que j'avais encore un boulon au niveau de la jambe, qui était en train de me brûler. Non, je le montre pas, mais je suis infectée. Je suis obligée de travailler. Hein. Je fais comment pour payer mon loyer? Je fais comment? J'ai divorcé par rapport à ça, déjà. J'étais mariée avant. Il y a une erreur de diagnostic à l'hôpital, dans l'urgence, et ça se comprend. Mais par exemple, il y a eu toute la prise en charge après, dans les mois qui ont suivi, sur le plan financier. Parce qu'en tant que victime, elle bénéficiait d'une prise en charge à 100% par la Sécu. Et Sarah, elle a reçu des relances, des factures de l'hôpital. Donc ça, les victimes, elles n'ont pas à le gérer. C'est quelque chose qui est trop lourd pour elles, qu'on leur réclame le paiement de soins qui devrait être pris en charge par la Sécu. Donc il y a tous ces petits ratés qui s'additionnent et qui sont une souffrance supplémentaire, en fait, tout simplement. Votre vie personnelle aussi a été impactée, Sarah? Je me retrouve divorcée, 25 ans, blessée, et je suis même pas pris en charge par l'État. Enfin, un minimum. J'ai le minimum. Mais c'est tout. J'ai été lâchée dans la nature. Je suis pas quelqu'un de faible. Et je me suis remise sur pied. Rapidement. Mais ça a été dur. Bon, après, heureusement qu'il y a Maître Camille Régal qui est là et qui me guide un peu. Mais sinon, j'aurais fait comment? C'est grâce à elle que j'ai pu être indemnisée une petite partie par le fonds de garantie. que j'ai dû faire, elle m'a fait beaucoup de papiers par rapport à la pension d'invalidité, par rapport à... Bon, après, je sais que la carte d'handicapé, j'y ai pas le droit, mais voilà, c'est grâce à elle quand même que j'ai fait un petit bout de chemin quand même. Sarah, c'est une force de la nature, donc comme vous pouvez le constater, comme elle vous le dit, toute seule, elle fait son petit bonhomme de chemin, ça a été douloureux. En 2 ans, moi j'ai vu quand même une évolution, un petit mieux-être. Oui, parce que Sarah, elle se fixe des objectifs, hein, parce que les attentats lui ont pris beaucoup. Mais je pense qu'elle n'a pas envie d'être définie par ces attentats. Et je pense qu'il y a un besoin aussi de se construire, de se reconstruire par elle-même. Et ça passe par avoir un emploi, avoir un diplôme. Et ça, ça force le respect aussi, parce que Sarah, elle n'est pas dans l'attente nécessairement de ce que l'État peut lui apporter, parce qu'elle sait qu'elle se doit aussi à elle-même. Et après, ça n'empêche qu'elle peut avoir le sentiment d'être pas accompagnée. Mais voilà, Sarah, ça fait partie des personnes, mais je pense que c'est un trait de caractère aussi, hein, qui est indépendant des attentats. C'est le mot d'ordre pour les cérémonies commémoratives des attentats du 13 novembre à Paris. Il y a 2 ans, la France était frappée par les pires attaques terroristes de son histoire. 130 morts, plus de 350 blessés dans différents endroits. Le Stade de France, les terrasses du Carillon et du Petit Cambodge, celle de la Bonne Bière, celle aussi du comptoir Voltaire, puis de la Belle Équipe, et enfin le Bataclan. Le président Emmanuel Macron va se rendre sur tous ces lieux ce matin pour se recueillir, mais il ne prendra pas la parole. Donc aujourd'hui, ce matin, on est 2 ans après. À partir de quel moment vous avez vu arriver des victimes qui vous ont sollicité, Corinne Hermann ? Bon, quelques semaines après, pas immédiatement. On savait d'ailleurs que ça n'aurait pas lieu tout de suite. Puis ça s'est égrené, ça s'est accéléré il y a 1 an et demi. Ça s'est égrené vraiment sur 2 ans. Il y a encore, je crois, la semaine dernière, une nouvelle victime qui est venue nous contacter. Et je pense qu'il y en aura d'autres et qu'il va falloir qu'on y réfléchisse. Mais tranquillement et progressivement, ça s'est mis en place progressivement. C'est ça, être avocat auprès des victimes, c'est d'abord être présent. Pour nous, ce qui est important, c'est de leur montrer qu'on est juste là dans les moments qui sont importants pour eux et qui marquent leur souffrance et leur drame, puisqu'on est là. Notre rôle, c'est de les accompagner dans la procédure, mais d'être là aussi tout ce temps avec eux. Et c'est juste un acte de solidarité, je pense qu'ils l'entendent et le comprennent bien comme ça, et puis c'est ce qu'on souhaite. Mais c'est pas facile à faire. On peut se retrancher derrière sa porte de bureau et derrière ses codes en disant « bon, moi je fais la procédure, c'est déjà pas mal ». Mais c'est pas une façon de travailler, je pense que s'engager, être à leur côté, c'est aussi s'engager plus dans la procédure, comprendre mieux leurs problèmes, comprendre mieux... leur souffrance, pouvoir mieux faire cette courroie de transmission à laquelle on tient particulièrement, et puis peut-être mieux transmettre leurs paroles aussi, en voyant leur souffrance, en étant là, en étant solidaire aussi, parce que je pense que ce sont des affaires, autant des affaires comme Estelle Mouzin que des affaires d'attentat, concernent l'État, mais concernent nous tous en tant que citoyens, pour faire avancer les choses et vivre autrement. Donc c'est une façon de travailler autrement, mais c'est pas facile. Camille Rial, qu'est-ce que vous faites de toute la souffrance que vous avez rencontrée depuis 2 ans auprès de ces victimes ? Bah déjà, avec Corinne, on en parle. Donc c'est une première soupape de décompression, parce qu'à chaque fois, on n'est jamais exposé, enfin rarement seul. On partage toujours ça, que ce soit à travers les rendez-vous clients ou même les manifestations extérieures. Donc déjà, on en parle. Et puis... moi, je me dis qu'on doit s'en servir comme d'une force, en fait. Ça doit nous pousser à faire notre travail et puis de faire du mieux qu'on peut, en fait. Voilà. Que j'essaie de... qu'il faut transformer ça en quelque chose de positif. Et le positif, c'est ce qu'on peut leur apporter à travers nos connaissances juridiques, notre métier. Là, où est-ce qu'on arrive ? Là, on arrive au Stade de France pour aller du côté des manifestations. Donc du côté des portes où les bombes, où les terroristes se sont fait exploser, où nos clients étaient ou blessés, ou en tout cas fortement où ils ont eu peur, en fait. Dans Libération donc, de ce matin du 13 novembre 2017, certaines victimes d'attentats parlaient d'avoir été contactées par des avocats qu'ils appellent des corbeaux, des gens qui voulaient se faire de l'argent sur ce drame national en leur promettant monts et merveilles. Voilà, y a 56 000 avocats en France, il y en a 28 000 à Paris, tout le monde ne vit pas de son art et de sa robe. Est-ce que pour certains ça a été une opportunité et est-ce que vous avez eu vent donc, de certaines victimes sollicitées par des confrères qui leur disaient « Vous pouvez avoir beaucoup d'argent si vous travaillez avec moi ». Oui, oui, on l'a su par les pouvoirs publics d'ailleurs, hein. On l'a su par le ministère de la Justice, on l'a su par des journalistes aussi qui nous l'ont confirmé. Je pense que ça peut être la manne pour certains avocats, ça peut être aussi une façon de se faire connaître et de bien occuper le petit écran en disant parfois des choses qui sont très fausses et en s'engageant certainement pas auprès des victimes parce que ça a un coût personnel important. Oui, il y a des grosses indemnisations qui sont attendues, donc il y a probablement des gens qui ont une éthique différente et qu'on n'acceptera pas. Nous, on n'a pas cherché une victime. Elles sont venues d'elles-mêmes par des biais X et Y, mais nous n'avons pas prospecté une seule victime. Moi, je tiens à ce que les victimes viennent d'elles-mêmes, qu'elles fassent ce choix, parce que c'est sur ce choix que je vais pouvoir appuyer toutes les décisions qui suivront et tous les échanges qui suivront, en leur disant « c'est vous qui êtes venus, c'est vous qui nous avez choisis, je fonctionne comme ça ». Et voilà, c'est une règle aussi dans les échanges, de pouvoir avoir un échange avec parfois des pressions qu'on leur mettra en leur disant « moi je suis pas venu vous chercher, vous avez décidé de vous engager ». De nous engager et nous on s'engage à vos côtés, mais voilà ce que ça représente s'engager à vos côtés, ça représente aussi une confiance entre nous mutuelle. Voilà, nous on précise les conditions à nos clients, elles leur conviennent pas. On a décidé, c'est surtout Didier Seban a décidé de mettre son cabinet au service des victimes et de ne pas faire de l'argent sur les victimes. Alors après, il y a une petite compensation évidemment parce qu'il y a des charges qui sont relatives à ces procédures. Mais on a très clairement dit à nos clients qu'il n'était pas question de faire du chiffre sur les victimes. On ne fera pas de chiffre sur les victimes des attentats. On aurait pu tous être victimes de ces attentats et c'est déjà un malheur en soi. Il fait froid. On voit un petit attroupement au loin et puis ça va être très expéditif parce que les officiels vont arriver. Il y avoir 7 minutes de silence et puis ils vont repartir aussitôt. Voilà. Mais c'est important d'être là. Voilà, je crois qu'il y a les officiels qui arrivent. C'est le président de la République. Oui, la secrétaire, la déléguée aux victimes, la garde des Sceaux. Didier Seban. Qui se frotte les mains parce qu'il a froid. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Vous étiez avec les officiels. Avec personne, moi, j'aime bien être dans ma solitude dans ces moments-là. Alors la couleur des cheveux de Corinne est un espèce de fanal qui attire nos clients, qui permettent de repérer. Elle se voit toujours de loin, Corinne. Toujours un peu d'humour, Didier Seban, même dans les moments un petit peu de solennité. Bah, il faut, enfin, à un moment donné, il faut aussi savoir ne pas rire, mais il faut à la fois être là, être présent, être à côté, et puis savoir dire que la vie, malgré tout, continue. C'est ce qu'attendent aussi nos clients. Mesdames, messieurs, nous sommes réunis ce matin pour rendre hommage aux victimes de l'attentat commis en ce même lieu le vendredi 13 novembre 2015. Une plaque leur rend hommage à la mémoire de Manuel Diaz et en respect aux nombreux blessés et victimes du terrorisme sur ce lieu le soir du 13 novembre 2015. Cette commémoration, Didier Seban. On va rester avec les victimes. On va prendre un peu le temps de les rencontrer, de discuter avec elles, parce que je pense que ces moments-là sont à la fois des moments douloureux, de souvenirs, et puis des moments où cette grande messe républicaine est un peu incompréhensible pour eux. on a toutes les autorités de la République réunies. On a trois mots qui sont prononcés, une minute de silence, et puis on est venu les saluer. Elles sont là dans le froid depuis un long moment. Donc il peut y avoir un sentiment d'incompréhension, et je pense que c'est important de prendre le temps de discuter. Et Corinne et Camille sont déjà à l'œuvre alors que le président de la République n'est pas encore reparti. Voilà. Elles viennent. Ce qui m'étonne aussi, c'est que les victimes viennent. On pourrait penser que finalement, elles veulent passer à autre chose. Et puis, finalement, même si ça les remet au milieu de tout ça, elles viennent. On est d'accord. On n'a pas fermé la rue de la nuit. Toutes les trois, pareil. On a passé la nuit au téléphone. Voilà. D'accord, il n'y a pas de matin. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. Tout à fait, mais on est là aussi pour ça. Oui, d'accord, c'est parfait. Pour vous répondre, donc voilà. Il n'y a pas de problème. On va dire bonjour à nos clients. Allez-y, allez-y. Vous appelez quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. Venir vers moi, c'est rapide. Oui, on va le revoir. D'accord. Mais donc, comme on ne sait pas quand, il faut qu'on prépare le dossier pour qu'il puisse l'avoir. Normalement, on va aller boire un café, d'accord ? Donc, de voir le président de la République, vous saluer ou passer, ça vous a fait quoi ? Personnellement, le fait qu'il vienne que 5 minutes, enfin, c'est une figurine pour moi, qui vient comme ça, mais... ça m'a rien fait par rapport à lui, ça m'a rien fait. Honnêtement. On fait pas ça, quoi. Le président de la République, on parle, on prend un micro et on parle, on soutient les victimes. On n'est pas là à passer sur un tapis rouge, quoi. Et je suis très très très déçue par rapport à ça. Parce qu'on est aussi des victimes, que ce soit pour le Bataclan, Nice, Stade de France, on a tous été touchés. Donc le fait qu'il parle pas, ça me déçoit. Vous attendez quoi comme mot en fait ? Un soutien quoi. Un soutien, un mot qu'il est là, qu'on peut compter sur lui, mais il n'y a rien du tout. Je suis déçue. Donc voilà. Et de voir vos avocats qui sont à côté, ça vous fait quoi ? Ça, ça me fait plaisir ça. Ça me fait plaisir. C'est elle qui me remonte le moral. Didier Seban, ça vous fait quoi de voir Sarah ici, là, face à Emmanuel Macron ? Bah, c'est deux mondes, peut-être, qui se touchent, mais qui s'ignorent aussi. Voilà, on a ce sentiment. D'ailleurs, la scène est assez caractéristique. C'est-à-dire, d'un côté, on avait les élus, toute la République. C'est important. On ne peut pas leur reprocher quoi que ce soit. De l'autre, les victimes, avec la presse à côté, et puis les secours. Comme deux mondes qui se font face, avec un grand tapis rouge entre les deux. C'est une image à la fois étonnante. Dans le même temps, vous voyez comme c'est important pour elles d'abord de se retrouver entre elles, de discuter entre elles, d'avoir le sentiment qu'elles ont un destin commun, une histoire commune du fait de ce drame. Et donc c'est aussi ça ce qui compte aujourd'hui. Et puis l'image de cette République réunie qui leur rend hommage, même si elle est séparée d'elle par une sorte de tapis rouge. Qu'est-ce que vous faites de tous ces matins où vous avez froid, où vous êtes à côté des victimes, de tous ces moments-là un peu difficiles ? J'en fais une motivation pour repartir au combat. Vous voyez là, on n'avait pas obtenu de rendez-vous avec la déléguée aux victimes, puisqu'il n'y a pas de secrétaire d'État ou de ministre aux victimes dans ce gouvernement. Et puis, on est arrivé à l'obtenir. On en fait des moments pour se ressourcer, pour repartir au combat et se dire que ce qu'on fait est utile. Pour savoir un petit peu où on en est, j'ai sollicité la copie de la procédure auprès de la cour d'assises. On l'a reçue. Reste à recevoir et à solliciter avant la liste des témoins et des experts qui seront convoqués à la cour d'assises. On a déjà un premier projet. Je veux voir s'il a été modifié depuis, enfin, a été amendé de quelques personnes, et puis voir si nous, on a des témoins ou des experts à faire citer en plus de ceux qui l'auront déjà été par le parquet. Soit on est véhément, soit on est calme. Ouais. Il faudrait voir ça avec la maman. Ouais. En face de vous, Mathieu Hénon. Sonia Kanoun, qui est avocate et collaboratrice au cabinet, et avec qui on travaille le dossier d'une cour d'assises qui va nous occuper pendant 4 jours à la cour d'assises des Hauts-de-Seine à Nanterre. C'est une affaire de meurtre, c'est-à-dire d'homicide volontaire, dont la victime était une toute jeune fille qui a été retrouvée décédée par mort violente à son domicile. Voilà. Et on défend la maman de cette jeune fille. Il faudrait voir aussi avec elle, est-ce qu'il n'y a pas des témoins de personnalité qu'on pourrait citer ? Parce que comme il y a une vague histoire d'adultère dans tout ça, peut-être que ça serait bien qu'on ait quelqu'un aussi pour parler de quelle jeune fille elle était, pour la rendre plus présente auprès des jurés. Oui, voilà. Parce qu'en général, enfin moi c'est toujours un truc qui me... C'est toujours quelque chose qui me pose un peu souci dans les cours d'assises, et je trouve qu'on parle souvent pas beaucoup de la victime, en fait. Donc peut-être essayer de rétablir un peu ça via effectivement des témoignages, ou en tout cas que la maman nous donne les éléments pour essayer de rendre un peu vivante sa fille à l'audience. Bon, sur le dossier, on a pas mal de matériaux médico-légal, on a pas mal de choses, enfin, ça, là-dessus ça va bien. Le comportement de l'accusé après les faits, le fait qu'il a envisagé de prendre la fuite, qu'il ait fait disparaître ses vêtements, qui était taché, etc., etc., c'est plutôt dans le sens d'une culpabilité, même s'il la conteste. Il est toujours... Il conteste toujours sa culpabilité, on est d'accord. Il faudrait peut-être un petit peu creuser, parce qu'il y a quand même la personnalité de la compagne, de l'accusée, qui est dans tout ça, qui est impliquée par les collègues de travail, qui dit qu'elle avait une personnalité un peu... Enfin, un rapport un peu... Enfin, une personnalité toxique dans le couple. Mmh. Et voilà. Il faudra qu'on prépare les projets de conclusion de partie civile. Oui, les ça modèles c'est pas en cours encore, mais voilà, je vais faire les modèles de conclusion de donner acte, de passer outre et les... On fera une civi de toute façon derrière, je pense. Oui, on fera une civi derrière. Pour demander... pour l'indemnisation. Ouais. J'entendais ton et couleur de l'audience, donc c'est vous qui allez plaider à Nanterre, dans cette affaire d'homicide. Expliquez-moi ces deux termes, le ton, la couleur. En fait, c'est vrai que c'est un langage d'avocat. On parle de coloration de l'audience, coloration du dossier, en fait. Mais c'est également l'atmosphère qui va se dérouler, les impressions que vont avoir les jurés sur la moralité de la victime, sur la moralité de l'accusé, sur la personnalité de l'un, sur la personnalité de l'autre. Et tout ça, ça donne une coloration. Est-ce que cette couleur bouge à l'audience ? Oui, bien sûr. Bien sûr, puisque la cour d'assises, c'est une scène un peu particulière du droit. Nous, avocats, on n'y travaille pas de la même manière que quand on est devant le tribunal correctionnel. Une cour d'assises, c'est un lieu un peu à part, où tous les sentiments sont représentés. La colère, la tristesse... le rire, parfois, nerveux. Et donc, on a des colorations qui passent de couleurs très sombres à des couleurs très pastelles. C'est un arc-en-ciel, quoi, la cour d'assises. Ouais. Vous êtes avocate depuis quand ? Je suis avocate depuis 2010. Et vous êtes au cabinet depuis quand ? Je suis au cabinet, j'ai été stagiaire avec Corinne Herman depuis 2007. Donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une coloration criminologique dans votre parcours ? Oh oui, puisque j'ai... Alors avec Corinne Herman, je travaillais sur évidemment les dossiers de disparition, de crimes en série. Donc j'étais stagiaire à côté de Corinne, je suis restée plusieurs années à ses côtés, juriste. Et puis ensuite, j'ai intégré le pôle pénal un peu plus général, un peu plus classique du cabinet, aux côtés de Mathieu Hénon. Et aujourd'hui, l'essentiel de mon travail, c'est alors quelques dossiers de droit criminel, mais beaucoup de droit pénal des affaires. Et pourquoi avocate ? Quand j'avais 17-18 ans et qu'il fallait que je fasse un choix, je vous aurais dit j'ai envie de faire du droit pénal parce que j'aurais voulu être médecin et que je n'avais pas les compétences scientifiques pour l'être et que je me suis dit que le droit pénal, j'avais un petit peu de médico-légal, un petit peu de médecine à faire valoir, donc voilà. Didier Sebon, on est à une heure de l'audience de procédure au palais de justice concernant le procès en correctionnel qui va s'ouvrir le 24 janvier prochain. Ça concerne donc les logeurs des terroristes des terrasses de Saint-Denis. Vous n'avez pas eu le temps de prendre un déjeuner. Est-ce qu'un sandwich, c'est votre déjeuner d'aujourd'hui ? Le déjeuner d'un avocat, ça peut être un sandwich vite fait. Ça peut être mangé dans un très bon restaurant. Ça peut être ne pas manger du tout. Mon meilleur souvenir dans le domaine, c'est un jour l'association des défenses handicapées de Lyon, c'était juste avant qu'on plaide, et puis on n'avait pas le temps, il fallait qu'on s'organise, et ils ont été nous faire faire un sandwich dans un restaurant, et ils nous ont fait un sandwich au foie gras. Et ça montrait toute l'amitié qu'ils nous portaient, parce que c'était des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens vraiment, et c'est sûrement le meilleur repas que j'ai mangé de ma vie professionnelle. Norman, vous faisiez une petite confidence, vous avez dormi chez des clients. Ah oui, ça nous est arrivé. Enfin, les circonstances des procès, en dehors des procès, des fois pour préparer, on vient à des réunions, des fois on va en province à des réunions. Alors parfois on est logé, effectivement ça nous permet d'être aussi à proximité, mais c'est des dossiers où on travaille avec les victimes depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans, donc il y a une proximité qui se met en place. Et puis parfois, à l'issue de procès, on se retrouve sans hôtel, sans moyen de transport, donc on est des fois recueilli par nos clients, ça arrive. Quand vous avez prévu de rentrer à Paris le soir même, parce que vous avez envie de revoir votre petite famille au bout de 3 semaines d'audience, puis que finalement le délibéré est rendu à 1h du matin, et que vous êtes à 400 km de Paris, et que vous ne savez pas si vous aurez la force de conduire jusqu'à Paris, ben là il faut bien trouver une solution, et souvent les clients nous proposent de nous sauvegarder, comme de nous accueillir dans leur navire, parce que nous sommes un peu en perdition dans ces moments-là. Je comprends, ils n'ont pas encore régularisé la plaque. Mais parce que je... pas la même plaque. Oui, je viens de prendre la voiture. Donc on va au palais de justice, madame. D'accord. Allons-y, conduisez en toute sécurité. Moi, je vous guide, madame. Allez-y. Vous voulez me guider? Oui. Voilà. On peut vous guider, il n'y a pas de souci. Donc au feu là-bas, vous prendrez à droite. D'accord. Puis après, vous prendrez la première à gauche. À moins qu'on prenne les quais, mais comment ça se présente? Pour moi, c'est le cata avec qui on est. À droite. Les magistrats ont peur, les procureurs ont peur. Tout le monde se demande si ça va bien se passer, quels incidents il va y avoir, est-ce qu'ils vont être à la hauteur. Alors, pas pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est une audience où on est entre gens de bonne compagnie, mais lorsque les audiences démarrent, dans ces audiences un peu phénoménales, un grand avocat disait toujours qu'un procès, c'est comme la mer. Hein, tout d'un coup, ça peut paraître très calme, et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui éclate, il y a un incident, il y a un témoin qui dit quelque chose qui est exactement le contraire de ce qu'il a dit à l'audience, il y a un positionnement d'un avocat qui va venir troubler l'eau calme, et donc au fond, essayer d'avoir une certaine sérénité et une capacité à réagir à l'événement parce qu'on connaît bien son dossier, parce qu'on a une habitude de l'audience, parce qu'on a une autorité qu'on s'est faite dans une histoire professionnelle, c'est là que l'avocat va compter. Tout d'un coup, quand la mer s'agite, il faut savoir abaisser le foc ou monter le tourmentin. Ça s'appelle, Didier Seban, les ficelles du métier. Je dirais que c'est aborder l'événement avec à la fois l'engagement nécessaire, mais la distance aussi que doit avoir l'avocat. La distance qui ne veut pas dire qu'il n'est pas proche de ses clients, mais qui fait par exemple que les familles ne comprennent pas, mais il ne faut jamais défendre sa propre famille. Il ne faut jamais défendre des gens extrêmement proches parce qu'on n'a pas la distance. La distance, c'est ce qui va vous permettre de mesurer l'enjeu, l'événement, la qualité de la décision que vous avez obtenue, au-delà de la sensation humaine que vous pouvez avoir et qui peut vous entraîner à ne pas comprendre qu'à un moment donné, il faut malgré tout que le juge condamne ou que le juge ne condamne pas à la peine maximum, même si vous pensez que la personne vous a fait le plus grand mal. Donc la réaction que peut avoir la victime de dire « je veux qu'il prenne le maximum », elle est normale. La réaction de l'avocat, ça doit être celle de mesurer au regard de la jurisprudence, au regard de ce qui se décide dans ce type d'affaires, si c'est finalement une bonne décision au profit de son client ou une mauvaise décision. Donc au prochain feu, celui d'après, vous tournerez à gauche, madame, dans le boulevard Saint-Michel. Quand on rentre dans un tribunal, il y a un côté sacré quand même, il y a un côté... Voilà, c'est un lieu où on décide du sort des gens, de la vie des gens, autant des victimes que des personnes qui sont poursuivies. Donc il y a toujours une émotion, surtout dans ce palais-là. Didier Seban, vous vous rappelez la première fois que vous êtes venu en robe au sein de ce palais ? Oui, vous savez, on a ici des dames de vestiaire qui... On a un vestiaire des avocats et je ne savais pas mettre ce qu'on appelle la bavette. Et donc, elles ont eu la gentillesse de m'aider à apprendre à la mettre. Donc, c'était la première fois qu'on met la robe, c'est quand on vient prêter serment, déjà. Hein. Donc, oui, c'était il y a très, très longtemps. Et quand je pense que ce palais va être, pour une part, désaffecté, que les émotions qu'on y a vécues vont un peu disparaître, ça me fait triste. Certes, il restera la cour d'appel, mais... Je trouve que c'est un lieu chargé de symboles, d'histoire et d'une partie de ma vie. Habillez-vous, Corinne. Vous êtes déjà en tenue. D'une certaine manière, avec ce procès, on sort là du procès Mérat, en fait, hein, puisque c'est quasiment les derniers jours du procès Mérat. Ce qui est aussi terrible, c'est qu'on se dit que la France va vivre sur le long terme avec le rappel de ses faits, ses audiences. Il y a quelque chose qui a profondément transformé le pays et qui se traduit dans l'enceinte judiciaire. Au fond, l'enceinte judiciaire, c'est souvent les échos de la vie telle qu'elle se déroule, certes quelquefois plusieurs années après, mais elle parle de notre société, de la manière dont elle peut être blessée par des événements, comme dans cette histoire terrible des attentats. Mais une bonne audience, un bon procès sur les attentats, c'est pas aussi une façon d'aborder la catharsis pour la population, les gens qui ont été traumatisés, blessés dans leur chair ? Oui, le fait que les choses soient dites, qu'il y ait un moment pour examiner ces faits, les responsabilités, que le temps soit pris par l'autorité judiciaire pour juger des hommes et des femmes qui sont les auteurs de ces faits, c'est évidemment extrêmement important. Ça ne répare pas, ça ne fait pas oublier, mais ça fait partie d'un processus démocratique absolument indispensable. En tous les cas, c'est un passage obligé qui permet ensuite la victime de passer dans une phase différente. Donc le procès est essentiel. Je vais regarder si on a des clients. Je regarde si on a des clients qui sont là. La 16e. C'est la 16e. C'est celle-là ? On va y aller alors. Le rire de Didier Seban quand on lui demande est-ce qu'il a envie de communiquer, parce que oui. Communiquer, c'est aussi une partie importante du travail. C'est important parce que c'est un outil aussi. Parfois, de communiquer, ça peut être... Si on communique et on ne le fait pas par choix, on le fait vraiment par nécessité. C'est-à-dire que ça peut aider un dossier à avancer, ça peut susciter des témoignages, ça peut aider aussi les victimes à comprendre ou les personnes à comprendre ce qui se passe et le public à comprendre. Mais c'est vrai qu'on a peut-être ce côté plus discret, nous, dans notre personnalité, qui fait qu'on a du mal parfois à s'exprimer. Puis on a quand même le culte du secret par ailleurs, donc il faut savoir dire ce qui peut être dit et retenir le reste. C'est pas toujours un exercice facile. Bon, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Didier Seban, 1h30 dans la salle à côté. Et déjà, quelques incidents et une demande rejetée. Résumez-moi ce qui vient de se passer. Bah, écoutez, on venait pour une audience de procédure, c'est-à-dire qu'on venait avec l'idée que l'enjeu, c'était de dire comment ça allait s'organiser, qui allait se constituer partie civile. Mais évidemment, les prévenus étaient là. Jawad Ben Daoud était là. Et ses avocats ont indiqué qu'ils souhaitaient que le futur procès ait lieu à huis clos. Or, vous savez qu'un grand principe de la justice, c'est qu'elle doit être publique. qu'elle doit être publique, c'est une protection pour tout le monde. Ça évite que des décisions soient prises en secret, les lettres de cachet, la mémoire. Donc la publicité des débats, la transparence de la justice est une garantie. Et elle est d'abord une garantie pour le prévenu ou l'accusé. Donc venir demander cela, c'est en quelque sorte venir par avance accuser la presse d'être hostile à leurs clients, de refuser la transparence du procès qu'attendent les victimes. Et donc tout de suite, un fort enjeu qui est celui d'un débat public ou d'un débat non public. Le tribunal va trancher. Donc 24 janvier, 14 février, 3 semaines de procès, et ça ne peut pas se tenir dans cette petite chambre, dans cette 16e chambre, où tiennent à peine tous les avocats de la partie civile. Et des prévenus, heureusement, ils sont là. Évidemment, je pense que le tribunal va prendre des moyens tout à fait importants pour pouvoir accueillir tout le monde. C'est un peu pour évaluer la jauge que cette audience se tient aujourd'hui. Combien serons-nous et qu'est-ce qu'il faut prévoir comme condition d'audience ? Donc pas de huis clos. Pas de huis clos, c'est évidemment une grande satisfaction, parce que je crois que la justice transparente, la justice aux yeux de tous, c'est une garantie pour tout le monde. Et la présence de la presse permettra que cette audience se passe justement sereinement. Elle n'aurait pas été sereine si elle avait été à huis clos. Un mot de description là quand même, Didier Seban, on est où ? On sort du palais de justice, on vient de sortir d'une audience où il y avait des robes noires à l'envi, plusieurs dizaines de robes noires. Là on est sur l'escalier monumental qui mène au palais de justice, des marches bien plus belles que celles de Cannes et qui mènent à la salle des pas perdus, une grande salle d'audience où depuis plusieurs centaines d'années, les avocats circulent, courent, se promènent, un dossier à la main, discutent, se donnent l'impression d'être affairés, d'être quelquefois, d'avoir sauvé un client. Daumier les représentait déjà. On a à côté de nous la Sainte-Chapelle, celle de Saint-Louis, celui qui, dans l'histoire racontée aux enfants, est le roi juste qui lavait les pieds des mendiants. En tout cas, un lieu passionnant d'histoire, puisque c'est sûrement les plus beaux vitraux de l'histoire de France. Et on est dans un palais qui va perdre pour une grosse partie de sa fonction, puisque le tribunal s'en va dans quelques mois aux Batignolles. Et alors, quand vous allez franchir les grilles de ce palais pour vous retrouver boulevard Saint-Michel avec des gens civils, est-ce que en vous, il y a cette petite satisfaction répétée d'avoir fait œuvre de justice, d'avoir porté la robe, de vous être dressé, d'avoir dit ce que vous vouliez là aujourd'hui, mais hier aussi? Est-ce qu'il y a ça qui se répète en vous? Ah oui, ce métier est un métier passionnant, extraordinaire. Mener le combat pour ceux qui nous missionnent, pour ceux dont on a l'honneur de défendre la personnalité, l'honneur et l'histoire. Et donc c'est cette idée d'être acteur avec eux de leur histoire qui nous porte en avant. Et ça grâce aux mots, aux verbes. Ce que vous incarnez par votre profession, le verbe et la maîtrise même du verbe, on pourrait dire, du silence et du souffle. Oui, oui, il y a le verbe, le mot, le combat du mot, c'est sûrement une des grandes parties de la profession. Il y a aussi toute une partie de travail dans l'ombre qui n'est pas que le verbe, qui est le travail de dossier, le travail d'investigation, si j'ose dire, dans un dossier, le conseil, l'accompagnement, les propositions. Tout ne se résume pas au combat judiciaire, même si c'est celui que tout le monde connaît. Cette audience, il aurait pu rien se passer. Hein. On aurait pu ne pas rester assis tranquillement et venir dire qu'on représentait 34 personnes. Et puis, au fond, Jawad Ben Daoud soutient qu'il n'était au courant de rien et qu'il a découvert après coup qu'il n'y est pour rien. évidemment, pour qu'il ait une chance d'être entendu sur cette argumentation, encore faut-il qu'il puisse l'exprimer. Et donc son avocat se doit de lui dire, pour pouvoir l'exprimer, il faut prendre le temps d'écouter et de répondre aux questions. Même l'attitude qu'il a vis-à-vis du confrère, à un moment, était... C'était troublant, la manière dont il l'enlace. Moi, j'ai trouvé ça très étonnant. Je n'avais jamais vu, quand même. Dans cette scène d'emprise que vous décriviez, Corinne Hermann, il y a aussi donc la reprise de la bonne distance avec son client, donc la bonne distance, on va dire, psychologique, la bonne distance de l'écoute, mais aussi la bonne distance donc physique, parce que donc il y a un rapport aussi de corps à corps. Et là, effectivement, on a vu un prévenu prendre par le cou son avocat, le maintenir, le fixer contre la barre et contre la séparation entre le box et l'avocat, et l'enserrer contre lui, lui parler à l'oreille, mais... Je suis même étonnée que les gardes n'aient pas réagi. Et donc on a là une personnalité, et moi qui ai l'habitude d'observer ce qui se passe dans le box en face, là c'est vrai que je me fais une idée sur la personnalité de cet homme, qui est une idée qui vient compléter celle qu'on a eue en regardant les images et en voyant ce qu'il dit tout de suite pendant le raid rue des Corbillons et rue de la République. Et on voit une personnalité se dessiner. Je dirais que dès qu'il est rentré dans le box, on a déjà une attitude qui est intéressante. Donc moi, cette audience me permet déjà de dessiner une stratégie pour le mois de janvier. C'est fascinant, hein, cette attitude-là. Et le fait que rien le retienne, hein, rien le retient. Et je pense que ça, c'est une personnalité. Ça va être difficile de préparer quelqu'un. C'est une personnalité. Vous aimez ça, entre guillemets ou pas, lire dans quelques attitudes, des mots, le comportement, l'incarnation d'un prévenu, quelque chose. Et c'est ça aussi que vous cherchez à continuer dans ce métier, c'est-à-dire la lecture du criminel. Oui, parce qu'on est un tout, et qu'il y a d'un côté le droit. Donc il y a le travail qu'on ne voit pas, le travail qui est sous-jacent, dont on ne va pas parler, qui est le travail du combat de la prescription, de la justice, le droit. Et puis, ça, les clients ne doivent pas le voir, ça devient c'est de la cuisine des avocats, j'ai envie de dire, et avec la justice. Il y a le travail d'enquête qui est autre chose. Et cette partie-là, je dirais, contribue à ce travail d'enquête et de préparation absolue dans ces dossiers. On ne travaille pas sur des vols de mobilettes, on travaille sur des affaires où des humains ont transgressé une barrière que la plupart des humains ne transgresseront jamais. Ils sont allés comme s'ils étaient allés de l'autre côté, de quelque chose d'interdit, du côté interdit de ce qu'on peut faire en tant qu'humain. Et on a toujours besoin de comprendre. C'est trop facile de dire que ce sont des monstres ou autres. On a besoin de comprendre pourquoi ces gens-là, ces personnes, ont passé cette limite-là, cette frontière-là. Parce que c'est un moyen aussi de redonner toute sa plénitude à notre humanité, notre capacité de résister, et qu'on a besoin de comprendre. Parce que pour bien juger, il faut comprendre, et il faut leur rendre cette dimension humaine. C'est vraiment ces ressorts humains. Plus je vois de criminels, plus j'ai croisé de criminels, plus je vois leur humanité, plus je me demande comment ils en sont arrivés là. Alors il y en a, ça s'explique par leur psychologie. Il y en a d'autres, c'est triste de voir le chemin qu'ils ont fait... Comment ils s'en sont arrivés là ? Mais ce que vous dites, Corinne Hermann, c'est que la criminologue, le cœur de la criminologue bat toujours sur la robe noire. Bien sûr, parce que c'est le seul moyen d'arriver à faire tomber ces gens-là, à les faire juger, à amener une réponse à des victimes, et puis à les juger bien, parce que moi, je ne voudrais pas avoir dans le box quelqu'un qui serait innocent. Enfin, c'est une terreur. Et peut-être avoir la meilleure justice possible dans ce cas-là. Côté des victimes des attentats de Saint-Denis, avec Corinne Hermann, Camille Régal, Sonia Canoun, Didier Seban et Mathieu Hénon. La série documentaire, mixage Alain Joubert, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomarède. Thank you.